Je ne sais pas si je pourrais. C'est... Si j'étais pas enrhumée du tout seulement, ça marcherait peut-être mieux. J'ai fait une maîtresse, trois jours il n'y a pas longtemps. J'ai fait une maîtresse, trois jours il n'y a pas longtemps. Trois jours il n'y a pas longtemps que je l'ai fait. J'irai la voir dimanche, oh ma brunette. Oh, ça pourra pas y aller, ça aussi. Trois jours il n'y a pas longtemps que je l'ai fait. J'irai la voir dimanche, oh ma brunette. Si tu viens m'y voir dimanche, bien promptement. Si tu viens m'y voir dimanche, bien promptement. J'y ferai la malade dans mon lit blanc. Oh, tu n'auras de moi aucun agrément. J'y ferai la malade dans mon lit blanc. Oh, tu n'auras de moi aucun agrément. Si tu fais la malade dans ton lit blanc. Si tu fais la malade dans ton lit blanc. Je m'y mettrai docteur de mon métier. Oh, tu n'auras de... Je m'y mettrai docteur de mon métier. Je soignerai la malade pour amitié. Je m'y mettrai docteur de mon métier. Je soignerai la malade pour amitié. Si tu t'y mets docteur de ton métier. Si tu t'y mets docteur de ton métier. Oh, je m'y mettrai carpe dans un étang. Oh, tu n'auras de moi aucun agrément. Oh, je m'y mettrai carpe dans un étang. Oh, tu n'auras de moi aucun agrément. Oh, si tu t'y mets carpe dans un étang. Oh, si tu t'y mets carpe dans un étang. Je m'y mettrai pêcheur de mon métier. Je pêcherai la carpe pour... Oh, Dieu. Je m'y mettrai pêcheur de mon métier. Je pêcherai la carpe pour amitié. Elle est difficile à dire, celle-là. Si tu t'y mets pêcheur de ton métier. Si tu t'y mets pêcheur de ton métier. Oh, je m'y mettrai biche de dans les bois. Oh, tu n'auras de moi aucun agrément. Oh, je m'y mettrai biche de dans les bois. Oh, tu n'auras de moi aucun agrément. Oh, si tu t'y mets biche de dans les bois. Oh, si tu t'y mets biche de dans les bois. Je m'y mettrai chasseur de mon métier. Je chasserai la biche, mais je ne la tue pas. Je m'y mettrai chasseur de mon métier. Je chasserai la biche, mais je ne la tue pas. Si tu t'y mets chasseur de ton métier. Si tu t'y mets chasseur de ton métier. Oh, je m'y mettrai rose de rosier blanc. Oh, tu n'auras de moi aucun agrément. Oh, je m'y mettrai rose de rosier blanc. Oh, tu n'auras de moi aucun agrément. Si tu t'y mets rose de rosier blanc. Oh, si tu t'y mets rose de rosier blanc. Je m'y mettrai beau jardinier. Je cueillirai la rose pour amitié. Oh, je m'y mettrai beau jardinier. Je cueillirai la rose pour amitié. Il est dit. Non, mais vous le redites si vous voulez. Oh, je m'y mettrai beau jardinier. Je cueillirai la rose pour amitié. Si tu, oh, si tu t'y mets beau, beau jardinier, oh, si tu t'y mets beau, beau jardinier, je m'y mettrai étoile au firmament, oh, tu n'auras de moi aucun agrément. Je m'y mettrai étoile au firmament, oh, tu n'auras de moi aucun agrément. Si tu t'y mets étoile au firmament, si tu t'y mets étoile au firmament, je m'y mettrai nuage, nuage blanc, j'y couvrirai l'étoile à tout moment. Je m'y mettrai nuage, nuage blanc, j'y couvrirai l'étoile à tout moment. Si tu t'y mets nuage, nuage blanc, si tu t'y mets nuage, nuage blanc, je m'y mettrai Saint-Pierre au paradis, je n'ouvrirai que la porte qu'à mon bien-aimé. Je m'y mettrai Saint-Pierre au paradis, je n'ouvrirai que la porte qu'à mon bien-aimé. Ah, c'est pas... Vous avez été chercher la clé, là, hein, la clé du paradis, hein. Elle est belle, hein. T'as moyen d'ouvrir, celle-là, hein. Eh ben, mon vieux, t'as fini la chanson, ça. Eh oui. Rossignol... Oh, attends.